Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Des anges. Explication. On considérera d'abord la substance des anges en elle-même, et dans ses rapports avec les corps, les lieux, le mouvement local. Secondement, leur intelligence, leur moyen de connaître, l'objet de leur connaissance, et le mode. Troisièmement, leur volonté libre, et l'amour naturel électif par lequel ils aiment Dieu. Quatrièmement, leur création, où l'on verra qu'ils ont été créés par Dieu, non pas bienheureux, mais heureux, leur chute, leur punition. Remarque, si l'on veut connaître parfaitement les anges, il faut joindre à ce traité l'étude sur leur puissance et leur opération dans le gouvernement divin. Voir tableau 9, 2, 106 et suivant. Question 50. De la substance des anges. Nature des anges, sont-ils incorporels, immatériels, nombreux, différents d'espèces, incorruptibles? 1. Les anges sont-ils des êtres purement incorporels? On lit dans les psaumes de David, Dieu a fait ses anges des esprits. Psaume 103, 4. Il y a donc des créatures incorporelles, et il faut, en effet, qu'il y en ait de telles. Le but principal que Dieu s'est proposé dans la création du monde, c'est le bien qui consiste dans la ressemblance de son être. Or, la parfaite ressemblance d'un effet avec sa cause n'est atteinte que quand l'effet imite la cause dans la vertu même par laquelle il a été produit, ainsi le froid résulte du froid. Ce principe ennemi, puisque Dieu produit les êtres par son intelligence et par sa volonté, la perfection de l'univers exige qu'il y ait des créatures intelligentes. Et comme la faculté de comprendre ne saurait être l'acte d'un corps ni d'aucune vertu corporelle, parce qu'un corps n'existe que dans tel lieu et dans tel temps, il doit nécessairement exister des créatures incorporelles. D'ailleurs, si notre intelligence est au-dessus des sens, ne faut-il pas qu'il y ait des êtres spirituels qu'elle seule peut saisir et connaître? 2. Les anges sont-ils composés de matière et de forme? Avis Bron, dans son livre intitulé « De la source de vie », s'est efforcé de soutenir que les anges sont composés d'une matière et d'une forme. C'est une erreur. Les anges sont tout à la fois incorporels et immatériels. Il est absolument impossible qu'une substance intellectuelle soit matérielle. La raison, c'est que l'opération d'un être est conforme au mode de la substance. Comprendre est un acte immatériel, et, par conséquent, la substance de toute intelligence est pareillement immatérielle. Note. Le juif Gébirol, connu chez les latins sous le nom d'Avis Bron, écrivit en Espagne son traité de la source de vie, dans lequel il enseigne que, Dieu excepté, tous les êtres de l'univers, même l'âme, même les esprits appelés purs, sont composés de matière et de forme, et que l'élément formel est ce qui les distingue les uns des autres et constitue leur individualité, tandis qu'au contraire, la matière première qui porte les formes est une et identique à tous les degrés de la création, depuis la pierre jusqu'à l'être vivant, depuis la brute jusqu'aux intelligences. Confère Charles Jourdain, de la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Fin de note. Il est vrai que notre esprit ne s'élève pas assez haut pour saisir la substance angélique dans sa réalité, et qu'il l'aperçoit conformément à sa nature comme si elle était composée, mais c'est ainsi qu'il comprend Dieu lui-même. Et l'on sait bien que les choses composées et distinctes dans l'idée humaine ne le sont point nécessairement dans la réalité. 3. Les anges sont-ils en grand nombre? Il est écrit, 1000 millions le servaient et 10 000 millions étaient devant lui. Daniel, 7, 10. Les armées célestes, dit Saint-Denis, sont si considérables qu'elles excèdent la supputation de tout calcul humain. Le nombre des anges, comparé à celui des créatures matérielles, le dépasse de beaucoup. Plus les êtres sont parfaits, plus est grande la place qu'ils occupent dans l'univers. Or, on peut juger de l'abondance des substances incorporelles par le nombre, comme on juge de celle des corps par la grandeur. Et si nous voyons que les corps célestes, à raison de leur perfection, surpassent incomparablement en grandeur les corps corruptibles, notre globe est, en effet, peu de choses à côté des sphères célestes. Il est très raisonnable de penser que les substances immatérielles surpassent, au-delà de toute comparaison, le nombre des substances matérielles. 4. Les anges diffèrent-ils d'espèces ? Il s'est rencontré des philosophes qui ont prétendu que toutes les substances spirituelles sont de la même espèce. Cette opinion est insoutenable. Les divers degrés de la nature angélique forment autant d'espèces différentes. En effet, pour être de la même espèce différée numériquement, il faut qu'il y ait matière et forme dans les choses, car alors elles ont la même forme et différent matériellement, mais c'est ce qui n'a pas lieu dans les anges, puisqu'ils n'ont pas de corps. Ils diffèrent donc d'espèce, suivant les divers degrés de leur nature intellective, par cela même qu'ils se distinguent numériquement les uns des autres. 5. Les anges sont-ils incorruptibles? Les substances intellectuelles, observe Saint-Denis, ont une vie indéfectible, elles sont totalement exemptes de la corruption, de la mort et de la génération. Un être ne se corrompt que tant que sa forme se sépare de sa matière. Les anges, qui sont immatériels, sont à l'abri de toute corruption par leur nature même. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.